En Corée, les membres de l'Union des femmes encouragent sensiblement les travailleurs engagés dans la campagne de 200 jours. Les femmes de la ville de Pyongyang, notamment celles des arrondissements de Taedonggang, de Dongdaewon et de Chung, déploient activement les activités d'agitation pour effet économique dans tous les coins de la capitale. Rien que pendant le premier mois depuis la campagne, les femmes de tout le pays, de la ville de Pyongyang en premier lieu, ont mené au total plus de 60 000 d'activités d'agitation, contribuant ainsi à faire créer la vitesse Malima pour l'édification d'une puissance socialiste.